Radio Canut Investigation. Au cœur du confinement. Au cœur de la radio. Le Wednesday du Mayday. C'est le Mayday du Wednesday. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Pour les personnes sans-abri aujourd'hui ou les personnes précaires, c'est que tous les dispositifs d'accès aux droits et d'accès aux soins sont fermés. Même si on se rend compte qu'il y a des situations qui sont graves, ben en fait on n'a vraiment rien, on n'a rien quoi. Je travaille dans des maraudes de nuit auprès des personnes à la rue et je suis intervenante sociale. Alors moi, je suis travailleur social et je suis membre du collectif Hébergement en danger. Mayday, rencontre. Alors mon travail, c'est d'aller à la rencontre des personnes, alors soit qui sont signalées auprès du 115 par exemple, et qui demandent des couvertures, de l'eau, ils demandent un peu des informations, et du coup mon travail là dans ces cas-là c'est de répondre à ces demandes-là, et puis de faire un petit point avec elles, de savoir si elles connaissent leurs droits, si elles savent où aller pour trouver une domiciliation, pour où passer la journée, où avoir accès à l'hygiène. En fait, je travaille avec des personnes à la rue, et du coup, mon travail, c'est d'aller dans la rue à la rencontre des personnes et d'essayer de les rencontrer, de faire du lien avec elles et puis de voir un petit peu ce dont elles pourraient avoir besoin. Moi, c'est la nuit, alors du coup, c'est entre 19h et 1h du matin où je rencontre les personnes. Ce qui est spécifique, c'est que tout est fermé au moment où on rencontre les gens. Donc du coup, nous, on ne fait pas d'accompagnement vraiment auprès des structures, à part les structures de soins. Quand il y a des urgences ou des structures où les personnes elles peuvent aller dormir. Sinon, c'est plutôt vraiment plus de l'information et de la discussion. En journée, pour le coup, il y a plus la possibilité de vraiment accompagner les gens et de rendre le côté effectif accès aux droits. Et alors, depuis cette période de confinement, il y a énormément de choses qui ont changé parce que tous les dispositifs en fait, qui leur permettaient d'accéder à leurs besoins primaires ont fermé. Tous les accueils de jour sont fermés, donc du coup, c'est plus possible de laver ses vêtements, c'est plus possible de manger, c'est même plus possible de boire un café un peu au chaud. Alors moi, je trouve que ça a commencé même avant le confinement parce qu'il y a déjà eu un lieu d'accueil de nuit qui avait déjà fermé, qui refusait d'accueillir des nouvelles personnes. Et puis, il y avait déjà deux ou trois accueils de jour aussi qui avaient fermé. Et donc, le week-end, déjà avant le confinement, on savait qu'il allait y avoir d'autres fermetures et on présageait déjà que ça allait être catastrophique pour les gens. Et nous, on naviguait un peu à vue. En fait, tout ce qui faisait un peu le cœur de notre métier, d'orienter les gens vers d'autres structures et de pouvoir faire valoir leurs droits, en fait, là, on se rendait compte que on savait plus quoi leur dire, en fait. On pouvait plus leur dire « appelez le 115 pour quand même essayer d'avoir une place » ou « vous n'avez pas de domiciliation, vous pouvez aller à tel endroit pour en faire une » ou « vous pouvez passer la journée là-bas si, par exemple, vous êtes dehors et que vous voulez boire un café et puis pas être tout seul ». Et après, du coup, s'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui survivent grâce à la manche, là, la manche, c'est plus possible parce qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Donc, du coup, c'est avec les gens qui me disent ça, quoi, que ça marche beaucoup moins. Moi, je rencontre des gens qui me disent ça, quoi. Je sais pas comment je vais faire pour manger ce soir. Ce qui se passe aussi, c'est que l'accès à l'hygiène et l'accès à la nourriture, il est devenu super compliqué. Vu qu'il n'y a plus d'accueil de jour, l'accès aux douches, c'est plus possible là-bas. Il y a juste un bain douche pour tout Lyon. Les fontaines sont fermées. Et les maraudes alimentaires, il y en a plein qui ont arrêté, ou en tout cas qui ont diminué, parce que par manque d'effectifs. Et du coup, c'est ça qui est en train de se passer, quoi. C'est que les gens ils se retrouvent tout seuls et toutes seules dans la rue, sans possibilité d'accéder à leurs besoins primaires, et avec en plus une inquiétude très forte vis-à-vis de ce virus, parce qu'à la rue, c'est des gens qui sont souvent en situation de santé qui n'est pas toujours formidable, qui sont des gens qui ont souvent des pathologies un peu lourdes de santé, et qui donc sont vraiment des personnes à risque vis-à-vis de ce virus, et qui du coup, si jamais elles prennent le virus, si jamais elles contractent le virus, leur survie est vraiment engagée, quoi. C'est impossible pour elle de se confiner. Et puis, il n'y a rien pour... En fait, c'est impossible de se laver les mains, les gestes barrières et tout. En fait, c'est n'importe quoi, quoi, quand c'est impossible à mettre en place quand on est à la rue, quoi. Les gens, ils distribuent des sous, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu sais pas si c'est contaminé, pas contaminé. Et du coup, bah, ils ont très peur de ça. Et en plus, quand t'es SDF, c'est souvent très compliqué de pouvoir accéder à des soins en temps normal, soit parce que les gens n'ont pas forcément de droit santé, mais même au sein des urgences et tout, c'est souvent que les gens nous racontent qu'on les reçoit pas très bien, quoi. Et puis même les médecins de ville et même tout ça, quoi. Et donc du coup, bah, là, avoir peur pour sa santé, quand on sait qu'en plus, pouvoir se faire soigner, ça va être compliqué, c'est d'autant plus angoissant, quoi. Il y a quand même des services hospitaliers qui ont fermé et pour les personnes qui n'ont pas les droits ouverts, sécu. Par exemple, ne serait-ce que d'aller à la passe et voir un médecin, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent continuer à exister en dehors du Covid, c'est devenu super compliqué parce qu'il y a une seule passe, et une permanence d'accès aux soins, qui reste ouverte, alors qu'avant, il y en avait trois sur Lyon. J'ai rencontré une dame l'autre jour à l'hôpital qui s'était cassé le pied. Et cette dame, du coup, se retrouvait aux urgences. En temps normal, elle aurait été... hospitalisée pendant quelques temps, le temps qu'elle puisse bénéficier d'une opération chirurgicale. Là, du coup, comme l'hôpital est complètement saturé, comme l'hôpital réserve tous les lits dispo pour les personnes qui ont le Covid, eh bien, elle s'est retrouvée avec juste un plâtre et avec une prise en charge en ambulatoire. Mais du coup, cette dame, elle n'a pas de domicile, elle va se retrouver à marcher dans la rue avec son pied cassé, avec un plâtre, avec des béquilles récupérées je ne sais où. Et son opération, en fait, on ne sait même pas quand est-ce que ça va être, ça va peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Et il y a aussi au moins un service psy qui a fermé, ce qui fait qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à la rue parce que le service fermait. Et on ne prend pas en compte, en fait, le fait que le confinement et la peur de la maladie et tout le climat anxiogène qui existe autour de cette situation, on ne prend pas en compte que ça va impacter aussi, en fait, les personnes qui sont aussi dehors. Et après, il y a plein de gens aussi qui ont des addictions diverses et qui, du coup, ben, arrivaient à survivre grâce à la manche et puis grâce aussi au dispositif d'aide. Et donc, comme tout ça, ça n'existe plus, il y a des crises de manque, et des crises de manque, c'est dangereux, quoi. Les gens peuvent mourir, quoi. D'une crise de manque d'alcool, on meurt, quoi. Moi, je rencontre des gens qui avaient, par exemple, qui souffraient d'une addiction, qui prenaient un traitement de substitution. Et du coup, les XAPA sont fermés. Du coup, normalement, c'est un XAPA qu'on pourrait récupérer. Donc, du coup, on a des gens qui vont se retrouver en crise de manque parce qu'elles ne peuvent plus avoir leur traitement de substitution. Et pareil, ben, là, moi, j'ai rencontré une dame qui est arrivée sur Lyon lundi dernier et qui voulait faire une demande d'asile à Lyon avec un enfant de 11 mois. Quand on arrive à Lyon, on fait sa demande d'asile à Forum Réfugiés et ensuite, on peut demander un hébergement via les maisons de la Métropole et des Solidarités. Et du coup, bah, cette dame, elle est arrivée, le Forum était déjà fermé et les maisons de la Métropole étaient déjà fermées. Du coup, quand on appelle les maisons de la Métropole, elles nous répondent que ah bah, si madame n'est pas domiciliée, si madame n'a pas d'adresse à Forum Réfugiés, du coup, elle ne peut pas bénéficier d'un hébergement. Et du coup, madame ne peut même pas se domicilier, donc elle se retrouve en fait en dehors de tout droit parce que tout est fermé. Et du coup, concrètement, ça veut dire que cette dame, elle dort dehors avec son enfant de 11 mois et qu'on peut rien y faire, et que tous les dispositifs, en fait, déjà d'habitude sont saturés, déjà d'habitude sont complètement bloqués, mais là, actuellement, en fait, c'est même pas possible de pouvoir demander, en fait, on peut même pas faire la demande. J'ai eu des signalements à Vau-en-Velin ou à Vénissieux, et là, très clairement, il y a des quarts de CRS partout, des flics qui sont en train de contrôler tout le monde. Et alors que, bah voilà, dans le même temps, on va à Place Maréchal Lyautey, et dans le 6e, et là, bah, en fait, il y a tout le monde qui se balade tranquillement. Et du coup, bah, nous aussi, on a pas mal d'exemples de personnes qui ont été verbalisées par la police parce qu'ils n'avaient pas l'attestation de déplacement dérogatoire, alors que c'est des personnes qui sont à la rue. Je fais partie d'un collectif aussi de travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Et suite à bah, tout ce qui se passe en ce moment, on a fait un communiqué, puis on a réfléchi aussi à différentes mesures qui pourraient être prises là rapidement. la réquisition de nombreux lieux. Alors ça peut être des hôtels, mais ça peut coûter cher, mais aussi des internats, des gymnases, enfin des lieux en fait qui peuvent accueillir du monde. Et ça, en fait, ce serait vraiment important aussi de pouvoir, et que les personnes qui sont certes malades, d'autres qui sont vulnérables, mais aussi que, ben voilà, pour faire de la place à tout le monde en fait. Avoir accès à ce que les fontaines à eau soient effectivement ouvertes. Une des demandes aussi, bah, ce serait de renforcer en fait les équipes psy et des équipes aussi de médecine plus, bah, somatique, pour que les gens ils aient aussi un véritable accès à la santé. Et alors là, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est pas juste une crise sanitaire, en fait, c'est une crise sociale. C'est parce que l'État a abandonné les personnes à la rue depuis très longtemps, les personnes les plus précaires depuis très longtemps, et qu'il y a de moins en moins de moyens, qu'il y a de moins en moins de places d'hébergement, qu'on essaie toujours plus de restreindre l'accès aux droits et aux soins, qu'on arrive dans cette situation-là, en fait. Que si l'État avait pas abandonné, que s'il y avait pas autant de personnes à la rue, il y aurait pas du tout autant de crises vis-à-vis de ce virus et vis-à-vis du confinement, en fait, que le problème, il est bien plus grand et il date d'avant. Certes, c'est bien d'avoir un plan d'urgence, de répondre aux questions sanitaires là maintenant tout de suite, mais ce qu'il faut, c'est penser à plus long terme pourquoi on en est là en fait et pourquoi on a abandonné ces gens-là. Ils ont quand même énormément de colère parce qu'ils se sentent énormément abandonnés. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de marteler. Il faut rester chez soi, c'est dangereux, le virus, rester confiné. Et puis, et bah, ces personnes-là, elles doivent rester confinées, mais elles sont dehors. Et qu'en plus, elles entendent qu'il y a un peu des infos de la part du gouvernement qui dirait, enfin, qui vont ouvrir des places d'hôtel. Et en fait, bah, elles n'en voient pas la couleur. Et ce qui, du coup, provoque encore plus d'énervement et d'incompréhension. Là, on a des annonces gouvernementales qui parlent de 2000 places d'hébergement pour toute la France. Sur toute la France, on estime à peu près à 200-250 000 le nombre de personnes qui vivent à la rue. Donc autant dire qu'avec ces 2000 places, c'est juste dérisoire et c'est à la limite même du foutage de gueule, quoi. Et c'est ça, et en fait, les gens qui sont dehors comprennent pas. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on puisse avoir des solutions. Mais en fait, il n'y a rien et le gouvernement fait juste semblant de vouloir aider les personnes en faisant des annonces comme ça, mais c'est totalement déconnecté de la réalité du terrain. Bonjour, vous êtes en contact avec le 115 du Rhône. Merci de rester en ligne, un écoutant va vous répondre. Avec le coronavirus et le confinement, c'est vrai que bah, nous, les travailleuses et les travailleurs sociaux, on aurait pu penser qu'il y aurait des infos, si ce n'est gouvernemental, en tout cas de la préfecture, de nos financeurs, de la DDCS ou de l'ARS, des instances locales de l'État, qui pourraient nous dire comment nous protéger, comment protéger les personnes qu'on accompagne, nous donner, je sais pas, du matériel de protection, des masques, ou même pas des masques, juste des gants et du gel, et avoir la possibilité de donner aux gens qu'on accompagne du gel ou même du savon, un minimum d'infos, ou même un minimum de soutien. Juste là, en fait, on se retrouve nous aussi complètement abandonnés avec aucune info. C'est quand même assez ouf, quoi, parce qu'en fait, bah, les personnes avec qui on travaille, c'est elles qui sont en première ligne, quoi. On parle de guerre, mais en fait, c'est pas la guerre, juste c'est la merde, quoi. Et du coup, bah, nous, avec le collectif Hébergement en danger, ce qu'on veut dire, c'est ça, quoi. C'est que, ok, c'est la merde, nous, on va le faire, on va continuer à travailler, faire le maximum pour les rassurer, faire le maximum pour les protéger. Ça, c'est notre responsabilité en tant que travailleurs ou travailleuses sociales de continuer ça. Par contre, va falloir que derrière, on se rende compte, en fait, des conséquences d'avoir abandonné tout ça par l'État depuis autant de temps, quoi, et qu'il va falloir de vrais moyens et des hébergements et des possibilités de s'en sortir pour tout le monde, en fait. Après, ce qui se passe aussi en parallèle, c'est que finalement, il y a pas mal de gens qui se bougent par ailleurs. Il y a des maraudes, en plus, citoyennes, qui tournent. Il y a aussi pas mal de gens qui sont autour des squats et qui essayent de s'organiser, de faire venir de la nourriture en gros pour réussir à ce que les gens ils se retrouvent pas affamés. Bon, voilà. En tout cas, il y a d'un côté, effectivement, les pouvoirs publics qui sont aux abonnés absents. Et il y a quand même pas mal de solidarité qui se crée un peu par-ci, par-là. Et qui essayent de s'organiser aussi et de se coordonner pour réussir à ce que les gens ils réussissent à avoir accès un peu à des besoins primaires. Je dirais aussi que pouvoir donner de l'argent à des personnes, et ben, ça leur permet d'assurer leur survie. Et je dirais qu'il y a un système qui a été mis en place là, par la Fondation Abbé Pierre à partir de chèques services. Et du coup, que ça peut être un bon moyen de pouvoir aider les gens parce que ça fait qu'elles peuvent choisir exactement qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Et puis ça permet aussi d'éviter un peu des contacts de pièces, de monnaie, toutes choses qui sont peut-être plus difficiles à décontaminer. Et après, bah, je dirais quoi, d'aller donner de la bouffe, d'aller discuter, d'aller apporter du soutien, même moral. Et si on a du gel, du savon, des trucs comme ça, pouvoir les donner aussi, quoi. Et puis avant tout, je dirais que c'est ensuite dans l'après qu'il va falloir faire quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après, en fait? Comment on va pouvoir lutter pour qu'il n'y ait plus autant d'exclus en France et qu'il n'y ait plus autant de personnes qui se retrouvent à la rue et plus autant de personnes qui se retrouvent précaires, quoi. Là, on arrive à débloquer je ne sais pas combien de milliards pour aider les entreprises à surmonter la crise. Peut-être que c'est ça qu'il faut demander, quoi. C'est derrière demander une meilleure répartition des richesses et demander dans les luttes à ce qu'il n'y ait plus personne dehors, quoi, finalement. Mayday, mercredi, 18h sur Radio Canut.